Chapitre 6e. Nous avons ajourné Charlottenburg. J'ai préféré l'île d'Amak. Le ciel est si beau, la mer est si bleue. Un faible bras de cette mer nous sépare d'Amak. Mais l'île est reliée à Copenhague par deux ponts jetés sur ce détroit. Nous sommes descendus jusqu'à la porte du sud. Nous avons franchi l'un des ponts et nous nous sommes trouvés au milieu d'une population nouvelle. Ce n'était plus l'île de Zéland, la plus grande île du royaume, c'en était presque la plus petite. C'était l'île d'Amak. Nous avons parcouru cette oasis potagère de la Baltique, dont la longueur n'a pas de lieu de France. Amak est peuplée d'une colonie flamande depuis l'année 1515. À cette époque, Christian II régnait. Il avait épousé Élisabeth, sœur de Charles Quint. La princesse était gourmande comme son frère et très délicate sur la table. Elle parla si bien à Christian du beurre, du fromage et des légumes de la Frise, que le roi se décida sans peine à mander de cette contrée une légion agricole. Il installa ses frisons dans l'île d'Amak, et ils tinrent tout ce que la reine avait promis. Ce sont leurs descendants qui possèdent encore Amak, et qui passent avec bonhomie sur leur char à deux chevaux en allant à Copenhague. Bien qu'ils aient contracté plus d'une alliance danoise, ils sont restés une race distincte, et leur langue est le hollandais, altéré néanmoins de zélandais et d'allemand. Cette île est un Éden rustique. Elle est d'une plus grande fertilité que la Zélande et que la Fionie, ce qui est beaucoup dire. Amak peut être regardé comme un jardin. C'est le jardin de Copenhague. Les légumes et les fruits de l'île champêtre sont magnifiques au marché de la capitale. Mais il faut les voir avant qu'ils aient été coupés et cueillis. L'île est couverte de jolies femmes, de travailleurs et de travailleuses. Les vaches mugissent dans les pacages et les jeunes filles chantent en fanant les foins que leurs pères et leurs frères fauchent. Tandis que la mer dont elle est entourée est d'azur, l'île est d'émeraude. Elle a plusieurs villages et deux églises, Frederikskirke et Frelsenkirke. Nous avions examiné Frederikskirke après être entrés dans l'île par le premier pont. Avant d'en sortir par le second, nous nous sommes arrêtés longtemps devant Frelsenkirke. Elle s'élance au-dessus de Christianhavn et de toute l'île d'Amak, cette église ravissante, un bijou de roi, un sanctuaire de peuple. L'église de Frelseren et du Saint-Sauveur est un chef-d'œuvre de piété et d'architecture, un parthénon lyrique. Le clocher est incomparable de légèreté, de grâce et d'essor. Le génie mauresque et scandinave de Christian IV est empreint là, non moins que dans les châteaux de Rosenborg et de Frederiksborg. L'influence de ce roi architecte, marin, général, législateur et voluptueux, le plus grand roi de toutes les dynasties danoises, se marque jusque dans les monuments qu'il n'a pas achevés. Ceux même qu'il n'a pas bâtis, il les a inspirés à coup sûr. Il a formé le goût de sa nation, qu'il a illustré par toutes les gloires. Nous avons repassé le second pont d'Amak et nous sommes rentrés à Copenhague. Nous avons côtoyé les remparts qui entourent la ville. Ils sont cernés d'un double canal. Copenhague est située sur un marais. L'eau y est à peu de profondeur. Elle alimente le double canal parallèle au bastion. Les lacs de la porte du nord alimentent aussi les canaux, de telle sorte que les canaux ne viennent pas de la mer, comme un voyageur l'a écrit, ils y vont. Nous y avons été aussi à la mer, et nous avons poussé jusqu'à la longue ligne, une promenade au bord du Sund, l'une des plus belles de l'Europe. Nous sommes revenus par la citadelle, que les deux canaux de Copenhague enveloppent. Nous avons traversé quatre ponts et deux portes. La citadelle est au centre, elle est sinistre, entre ses casernes. J'ai pensé à Struensee et à Brand. C'est là qu'ils ont été captifs tous deux, et c'est près de là, à la porte de l'Est, que leurs têtes sont tombées du même bio. Il y a trois monuments que je n'ai pas encore nommés et qui me captivaient comme des personnes. Une fois sous leur charme, je ne pouvais plus m'en détacher. Ces monuments sont la tour ronde, le château de Rosenborg et le château de Frederiksberg. J'ai monté souvent à pied la tour ronde, Rundetårn, cette tour colossale sans escalier que le plus grand des empereurs de Russie montait au trot en voiture. L'aspect extérieur de cette tour avec ses fenêtres cintrées est très mystérieux. Ce monument se relie à l'église de la Trinité. Il est d'une surprenante singularité et n'a nulle part son semblable. Bâti par Christian IV, il a été foulé et fouillé par le plus illustre des tsars. J'ai considéré une à une les pierres où les serpents entrelacés et les lions fabuleux s'incrustent au milieu d'un alphabet primitif. Il y a là des inscriptions elliptiques, abrégées non seulement dans la phrase, mais dans le mot, et ces inscriptions sont tracées dans la langue des Eddas. Cette langue, le norsk, est l'idiome primordial des races scandinaves venues d'Asie. Cet idiome éveilla d'abord les échos de l'Islande au 8e siècle, lorsque Nadoc, un pirate norvégien, aborda l'île inconnue. Au 9e siècle, deux nobles danois, Ingulf et Jorleif, sous le règne d'Éric l'Enfant, plantèrent aussi leur bannière en Islande, cette terre de l'éclat, où les sources chaudes bouillonnent sous la glace, où le feu éclate sous les neiges éternelles, cette terre volcanique est formidable plus aux aventuriers et aux proscrits de Zélande. Ils s'y établirent avec une colonie de femmes, de guerriers, d'ouvriers et de prêtres. Or, tandis que le Norsk, la religion et les traditions communes aux Danois, aux Norvégiens et aux Suédois s'altéraient en Europe, au contact de l'Allemagne et des nations du Midi, le dialecte sacré avec tout ce qu'il contenait se conservait en Amérique, dans cette Islande lointaine, une autre partie qui touche au Groenland. Et voilà comment l'âme orientale des peuples scandinaves sort chaque jour des brumes du Nouveau Monde, comment l'Islande, avec son vieux Norsk, révèle les arcanes, sans elles indéchiffrables, des civilisations antérieures les plus reculées. Finn Magnusson, dont le berceau est l'Islande, lisait les runes les plus obscures et les plus antiques. Ses disciples continueront sa tâche. Les pierres mêmes de la tour ronde seront pénétrées. Elles sont l'étrange avenue de la bibliothèque de l'université et la tour de Christian IV, aux assises colossales, à l'originalité massive, abrite avec une majesté vénérable ces énigmes granitiques. Plus d'une fois, soit en m'approchant, soit en m'éloignant, j'aperçus à la cime de cette tour des runes une cigogne, pareille à un hiéroglyphe vivant. Elle se dessinait dans le ciel bleu. C'était beau comme un ibis sur une pyramide des pharaons. Je n'omettrai pas Rosenborg, un château danois et arabe, le marlis capricieux de Christian IV, dont Frederiksborg était le Versailles vénitien. Rien n'est étonnant comme la fantaisie architecturale du plus glorieux prince de la dynastie d'Oldenbourg. Christian IV, cet émule de Gustave Adolphe, ce héros de terre et de mer, cet ennemi de la maison d'Autriche, soit de la branche allemande, soit de la branche espagnole, cet adversaire de Wallenstein et de Tilly dans la guerre de 30 ans, ce défenseur de la réforme, cet amiral, ce capitaine, ce politique et cet amant, était un poète en pierre vive. Son imagination fleurissait en palais, en chapelle, en théâtre, qu'il colorait des lueurs de l'Orient et d'aurores boréales. Par un hasard extraordinaire, ce rude soldat était de Bagdad autant que de Zélande. C'était un calife de la Baltique. Rosenborg, son chef-d'œuvre à l'égal de Frederiksborg, s'élève à peu de distance de la tour ronde. C'est un château des fées du Nord. Il est entouré d'eau et de jardins. Ses avenues et ses façades sont enchantées. Il renferme, salle par salle, les reliques de tous les rois qui se sont succédés sur le trône, depuis Christian IV jusqu'à Frédéric VII. Toutes les salles sont intéressantes. Ici, ce sont les plafonds sculptés de Frédéric III, sa selle incrustée de perles fines, de diamants, de rubis et de saphirs. Là, ce sont les tapisseries, les glaces, les épinettes, les armes de Christian V. Ailleurs, ce sont les écrans, les fauteuils, les tables, les armoires, les pelles, les pincettes et les chenets d'argent massif de Frédéric IV, ses buffets en or et en vermeil, ses lustres de cristal de roche, ses porcelaines de Saxe et toutes ses verreries étincelantes. Le trésor de métaux travaillés de Rosenborg est immense. Il surpasse de beaucoup le trésor des cristaux de Venise, envoyé pourtant au nombre de 800 par un seul doge à Frédéric IV. Ses cristaux précieux, coupe, glace, platailliers et ciselés, sont soutenus sur des rayons à belles cariatides. Tant de richesses accumulées par la dynastie d'Oldenbourg dans un de ses palais, transformées en musée et en écrin, paraissent moins fabuleuses à ceux qui, comme moi, ont constaté des richesses analogues chez de simples grands seigneurs. Les aristocraties sont filles du temps et ces entassements, prodigieux d'opulence, s'expliquent par les prospérités héréditaires d'une suite de générations. Chaque illustre famille est elle aussi une dynastie qui se maintient à peu près dans une harmonie perpétuelle avec la suprême dynastie, la dynastie royale. Une carabine fut conservée dans la salle des cristaux de Rosenborg par Christian VI, dont on peut mesurer la coupe de chasse qui contenait 2 bouteilles et qu'il vidait d'un trait comme un Nibelung. Son verre ordinaire absorbait 1 bouteille. Ce roi bachique était galant. Sa femme Sophie Madeleine ayant tué un cerf, il suspendit le bois du cerf près de la carabine. Christian célébra l'exploit de la reine avec enthousiasme. Il commanda des verres en l'honneur de cet exploit. Il but sa grande coupe pleine de vin du Rhin à la Diane de la Zélande, dont il consacra la carabine, et il bâtit à la place même où le cerf était tombé un château ruiné aujourd'hui, le château de Hirschholm. J'ai terminé ma visite au château de Rosenborg par la salle des chevaliers qui forme le second étage. Le rez-de-chaussée et le premier sont admirables. La salle des chevaliers ne l'est pas moins. C'est la galerie des fêtes et du couronnement des rois. Elle est meublée grandiosement. Partout des tentures dignes des gobelins, des tapis persans, des candélabres et des consoles magnifiques. Le trône est entouré de trois lions d'argent qui représentent les deux Belt et le Sund. Ces lions sont les armoiries du Danemark. Ils m'ont, je crois, menacé de leurs griffes, ces terribles emblèmes des trois grands détroits que j'ai traversés si souvent. J'ai connu de près le petit Belt et le grand Belt et le Sund. J'ai entendu leur rugissement, j'ai vu leur écume, et j'ai senti au visage les frémissements de leurs crinières ruisselantes de lumière et d'eau. Frederiksberg mérite cependant d'être admiré après Rosenborg, non pas à cause du château qui néanmoins est agréable, mais à cause des jardins, dont les sentiers et les canaux courent le long des pelouses fuyantes sous les grands arbres. Là, j'ai recueilli l'impression de Frédéric VI, une impression toute chaude, malgré la mort. C'est dans ces allées, sur ces eaux, que le fils de Mathilde communiquait avec le peuple dont il était adoré et se promenait au milieu de la foule attendrie. La mère de Frédéric, Caroline Mathilde, avait habité ce château, ce qui le rendait cher au roi. La pierre à 2 degrés, sur laquelle, aidée de Struensee, Mathilde montait pour enjamber son cheval, à la manière d'un homme, cette pierre est encore là. Frédéric VI, un jour, versa des larmes en la regardant. Il ordonna d'en avoir soin, de la réparer et de ne jamais la déplacer. J'avoue que je me suis senti un penchant pour ce roi. Son caractère m'intéresse et ses malheurs précoces me touchent. Frédéric VI était d'un aspect très élégant. Il avait les yeux scrutateurs, le nez aquilin, la bouche franche, l'air brusque et bizarre. Ses réparties étaient imprévues. Au congrès de Vienne, l'empereur Alexandre, se félicitant de la Sainte Alliance des Rois, disait avec une fatuité de tsar et de pape « On a gagné tous les cœurs ». « Peut-être, » répondit Frédéric VI, « mais on n'a pas gagné une âme. » Ce prince était bien un prince du Nord, un prince de Danemark. Il avait des habitudes familières et des goûts d'indépendance. Il était très blond, délicat, frêle et rêveur. C'était un Hamlet de la réalité. On ne lui avait pas tué son père, mais on avait déshonoré, exilé sa mère, qu'on usa vite par la persécution et qu'on réduisit au désespoir. Frédéric, environné dans sa maison des ennemis de sa maison, dissimula longtemps comme Hamlet, et comme Hamlet, il eut son heure de vengeance. Seulement, il préserva son cerveau de la folie et ses mains ne furent point tachées de sang. Tous les hivers, le bon Frédéric VI habitait à Mahalienborg. Tous les étés, il habitait à Frédéricksberg. J'errais sur ses traces avec curiosité et avec intérêt. Un autre charme me retenait aussi à Frédéricksberg. C'est la terrasse du château d'où l'on découvre Copenhague. De là, j'ai pu embrasser dans leur ensemble la ville et les monuments que j'avais tant étudiés, rue par rue, édifice par édifice.